millions de raisons de prendre le mic à n'importe quelle saison. Faisons parler d'aveux que nous nous taisons aisés. Les jeunes rêvent de pouvoir baiser la France aisée. C'est comme ça qu'on veut finir sans cesser dans le nez. On respire souvent des odeurs malsaines. Toujours la même haine quand on jette un picot dans la scène. J'emmène la police quand je vois un flic, je deviens agressif. D'ailleurs aussi quand ils me voient, ils m'agressent. Oui, c'est pour les fils d'ouvriers, ceux qui savent c'est quoi la misère. Et on donne de leurs parents toujours le même air. L'air passe, mais c'est toujours la même chanson. Une course de fond, on court à fond pour une poignée de pognon. On arrive face aux 15% d'avis défavorables. Il est l'heure de les prendre à partie de manière mémorable. C'est l'an 2000, les hommes marchent le ventre vide. L'urine ne reflète les sociétés cupides avides. On nous dit, c'est chacun pour soi, donc on se replie sur nous-mêmes. Mais le fils du voisin subit la loi de son père et sa haine. Gravé à mon crêpe, sur CD démographe. Gravir sans grève, les échelons, finir brave. Tragédie. On vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. Tragédie, on vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. La nécessité citer Dieu pourra hâter à l'air. Peu réglementaire, mais pour le R prouver l'existence de Dieu est si peu élémentaire. Tu verses une coupe de haine sur un verset ou au verso d'une Bible en vertu de tes croyances. Ouais, ouais. L'hypocrisie, un hommage que le fils rend à la vertu. On m'a jugé à la manière dont j'étais fait. Tu as mon vécu dans un cul-de-sac et sans tic-tac. Mais grâce à mes micmacs, je m'en sors tout ça pour pas finir dans une flaque ou dans un bain de sang. Tu sais, man, je suis pas un pur sang, mais grâce à des purs sons, j'ai pur mes démons. Le mal a toujours le même visage. Les apaches vivent dans des pâturages. Et moi, je fais gaffe à mon entourage. À 9 ans, rêver de braquer une banque pour donner le fric à ses parents pour qu'ils puissent combler leur manque. C'est pas facile, mais j'ai rêvé d'une île où il est elle au pluriel. Vivre et l'aider à l'idylle, un signe venant du ciel comme Noé un arc-en-ciel. J'ai tiré l'arc, mais la flèche atteint une pauvre hirondelle. Nos parents ont leurs soucis dans des bouteilles d'alcool. Si on bafoue les lois, c'est qu'on n'a pas de bol. On calcule la valeur d'un être humain au poids de son portefeuille. On enlève la vie d'autrui pour pas plus d'yves. Mes rimes, la merde qu'il y a dans la semelle des godasses des gosses. Elle sème l'envie de réagir quand on tabasse à coup de crosse. Tragédie, on vit de cette époque. Sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. Tragédie, on vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. On vit au cul de l'Armageddon. Dans le bruit des armes, dans le cri des larmes de l'homme, car le diable tient toujours le guidon. On est venu trop tard dans ce monde trop vieux. Si je traîne trop tard, j'ai plus de chances de partir jeune que finir vieux. La mort signe 200 ans, cette phrase célèbre, célèbre. Bon baiser des ténèbres, on m'a dit à son image, Dieu créa l'homme. Que le feu consume ceux qui ont corrompu la vérité divine. De là-haut, il a envoyé la liberté. D'ici-bas, tu as renvoyé l'esclavage et m'a appelé négro. Le monde a fait cette merde de ses propres mains et se plaindre. C'est peut-être pucé dans un violoncelle et main. Je le vois sombre comme un aveugle qui vit son quotidien dans un tunnel. Sans wagon, la thune, elle. Rythme, les jours des chimères, je vais la nuit. Car c'est le seul moment où il est beau de croire en la lumière. Tragédie, on vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. Tragédie, on vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. Tragédie, on vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde tragique comme l'assassinat d'un flic. Tragédie, on vit une triste époque où le diable sans cesse nous donne la réplique. On est dans le rouge, le vrage comme le Titanic. Monde